Dialogue. Vivre dans un grand ensemble ou dans une villa. Écoutez. C'est étonnant de voir la vitesse à laquelle on construit aux alentours des grandes villes. C'est justement ce que je me disais. Ces grands ensembles poussent comme des champignons. Je ne sais pas si les constructions individuelles coûtent plus cher, mais je n'aimerais pas habiter dans ce type de logement. Et toi ? Je ne me le suis jamais demandé. Mais une de mes amies s'y plaît beaucoup. Elle dit qu'il y a des avantages. Des centres commerciaux, des écoles, des garderies. Les enfants ont des tas de camarades. Oui, peut-être. Mais on est les uns sur les autres. Tant qu'à habiter en banlieue, je préférerais une petite maison modeste avec un jardin. Tu ne dois pas être la seule, puisque l'on dit que le rêve du Français est d'avoir sa maison avec un jardin. Répétez. C'est étonnant de voir la vitesse à laquelle on construit aux alentours des grandes villes. C'est justement ce que je me disais. Ces grands ensembles poussent comme des champignons. Je ne sais pas si les constructions individuelles coûtent plus cher, mais je n'aimerais pas habiter dans ce type de logement. Et toi ? Je ne me le suis jamais demandé, mais une de mes amies s'y plaît beaucoup. Elle dit qu'il y a des avantages. Des centres commerciaux, des écoles, des garderies. Les enfants ont des tas de camarades. Oui, peut-être. Mais on est les uns sur les autres. Tant qu'à habiter en banlieue, je préférerais une petite maison modeste avec un jardin. Tu ne dois pas être la seule, puisque l'on dit que le rêve du Français est d'avoir sa maison avec un jardin.